Annie m'a commis ta marque. Et Zala qui sans un bon dico. Sans un aligoué. Mba qui m'a la ouka moka te toko li a te. Ata ole moka te kasikanisa. Ou ta maille sous-sola.